de Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu mjina wa Bwana Yesu Kristo. Avant de commencer la prédication ce soir. Mbele ya kwanza mahubiri ya magharibi ya leo. Je voulais dire ceci à l'église. Nipenda kusema hivi kanisa. Il y a un frère qui travaille à Kinshasa. Huku moya ule kunatumika kule Kinshasa. Il était dans la réunion d'hier avec le gouverneur et le ministre de la santé. Mkusaniko na ba ministre na ba gouverneur. Ils ont tenu la réunion hier. Barifanya mkusaniko jana. Et le ministre de la santé fait son rapport pour dire que avec la deuxième vague de COVID-19, ministre wa santé alisema kwamba na hii vague ya pili ya COVID-19, on a remarqué qu'il y a beaucoup de cas de contamination aux États-Unis, en Europe. Kuna kwa watu mingi wanambukizwa mule mu Amerika na Mbulaya. Et ici chez nous, en Afrique, c'est particulièrement au Kenya que la maladie a réapparu. Ya kwamba umu mwetu mu Afrika, zaidi ni mule mu Kenya, njo magonjwa tena inaonekana. Alors y a eu beaucoup de propositions. Kulikuwa mawazo mingi walimpatia. Et l'intention la plus profonde de tous les participants à cette réunion, nania confirme les églises. Nania ya upana kabisa ya bale bote barikuwa mkusanyiko ilikuwa kwamba wafunge makanisa. J'ai voulu littéralement le message qui m'a été envoyé. Na misomea waziwazi ile ujumbe alinitumia. Bonjour mon pasteur. Amjambo pastori wangu. Je voudrais juste vous tenir informé. Nalipenda kumijulisha qu'une réunion s'est tenue hier entre le premier ministre, le gouverneur et les responsables de la santé en rapport avec l'augmentation de COVID-19. Ya kwamba jana kulifanika mkusaniko ya ba ministre na ba gouverneur na ministre wa santé juu ya kuangalia magonjwa ya COVID-19 dans la ville de Kinshasa. Mumuji ya Kinshasa. Voici certaines propositions énoncé. Tazama mawazo fulani fulani ile barileta. Fermer les églises. Kwanza kufunga makanisa. Soit renforcer les gestes barrières. Wala kuongeza ile wanaita ma geste barriere. Ou bien fermer que les églises qui ne respectent pas ces gestes avec possibilité de les taxer d'amende lourde. Wala kufunga makanisa ile ayeshimu ile mamipango ya hii magonjwa wala kuwaomba mpalata ya nguvu sana. La tendance est que comme ils ne vont pas fermer les bars, nia yabu ni ya kwamba vile watafunga mabar, ils craignent l'injustice en fermant seulement les églises. Beko naogopa kusikwe uzalimu kama wanafunga paka makanisa. Cependant, la majorité ont donné l'idée de fermer que les églises qui ne vont pas respecter les gestes barrières. Japo ba mingi bari chikia bafunge paka makanisa ila yaite heshima mamipango ya kuzuiza magonjwa. Les discussions continuent avant la prise de la décision finale. Bangariki na bishana mbele ya kuchukua mpango ya mwisho. Et le frère m'a envoyé la vidéo du communiqué final. Na nduku alinitumia na picha video ya ile ma mkusaniko walifanya. Je pense que cela doit passer aussi sur la RTNC. Na wazia banawezi kuisema na ku television yetu ya Congo. Lorsque vous lisez la pensée de ceux qui étaient dans la réunion, vous remarquerez que ce sont les églises qui sont visées. Mutaone ya kwamba macho yao iko naangalia paka pa makanisa. Les bars et le reste des lieux seront ouverts. Mabar na mafuashi ingine batayacha waji. Mais il faut à tout prix qu'ils ferment les églises. Alakini mipango yao ni ya kwamba ata vile bafunge makanisa. Quand vous voyez, même dans les rapports, c'est vraiment l'œuvre du diable. Les blancs et tous ces satanistes ont une mission particulière. Le président américain qui est parti et respecté normalement les églises. Oui, le président de l'Amérique, oui, Mounier Bartosha, a tavilé à Rwanda et Chimou Kokanissa. Il plaidait pour les églises. Arkwana Semele à Kanissa. Mais avec les démocrates. Alakini, Naba, ba démocrate. Les démocrates sont les plus sadiques. Ce sont les instruments de Satan. Toutes les mauvaises lois qui ont déjà été votées sur l'homosexualité et d'autres bêtises. Ce sont les démocrates qui les votent. Et ce sont les instruments aussi qui sont utilisés pour accomplir la parole de Dieu. Maintenant notre problème, ce n'est pas fermer les églises qui nous préoccupent. Parce que nous savons que les églises, si toutes nos églises seront fermées, quand le temps viendra, les églises seront fermées. Mais ce que l'église ne comprend pas, les frères et les sœurs, ils ne voient pas qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la terre. Ils ne voient pas comment le diable est en train de travailler. Ils ne voient pas comment la fin des choses approche. Mais au lieu de se préparer pour leur âme, profiter de ce temps pendant lequel les portes de l'église sont ouvertes, venir prier, venir écouter la parole, se consacrer. Oh, les gens pensent que ce sont des blagues. Tout peut arriver. Quand Dieu veut accomplir sa parole, il ne va pas vous attendre que tu termines ton champ. Il ne va pas t'attendre que tes enfants terminent l'université. Mais c'est toi et moi qui devons être prêts. Ni wewe na mimi ndio tunapashikwa tayari. Depuis les années 63. Tangia mamiaka 1963. Lorsque les sceaux furent ouverts. Wakati miuri barifungua. Après l'ouverture des sceaux, Frère Branham me dit que Jésus peut venir à n'importe quand. Ndugu Branham alisema Yesu anaweza kufika wakati yote yote. Le conseil communique est en train de se préparer. La plupart des églises s'est déjà renfermée, a déjà adhéré dans le conseil des églises. Makanisa ya mingi inaisha kuingia mwile mmoja ya makanisa. Mais si Satan n'a pas encore agi. Comme cela est dit dans la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit le retient. Ah, il y a encore quelques frères et quelques sœurs qui doivent faire partie de l'épouse. Alors le Saint-Esprit voyant cela, il le retient. Satan et toutes ses œuvres ici, toutes les manœuvres sataniques. Jusqu'à ce que ces gens-là, les derniers soient scellés du Saint-Esprit. Et Satan sera maintenant libre de faire son programme. Mais vous qui négligez la parole de Dieu, vous serez où? Comme je l'avais dit autrefois là. Dieu ne répond pas à une prière de fête sous la paix. On l'a vu quand on a fermé les églises, tout le monde était devenu chrétien. Et comme les blancs grammatisaient comment les gens mouraient, tout le monde tremblait. Parce que le but principal de tous ces satanistes, il faut que tout le monde soit vacciné. Et le vaccin n'est pas une bonne chose pour le monde. Nos gouvernements ici des pays pauvres sont des marionnettes. Ce que les blancs font, c'est ce qu'ils suivent. Comme il y a eu reconfinement dans l'autre, de l'autre côté, il y a eu reconfinement. Ah, confinement. Nos gouvernements qui sont marionnettes vont suivre, ils vont s'y fermer. Ah, ma gouvernement yetu yenye kutumikia bazungu, nabo batechika nabo batafunga bantu bari fungie. Chacun de nous doit maintenant veiller. Et chacun est libre parce que nous ne savons pas qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Na kila mtu eko uhuru juu atuyue wa Mungu eko wapi na washokuwa wa Mungu eko wapi. Tout le monde qui vient au milieu de nous, nous ne savons pas son objectif. Mtu wote uko naishi katikati yetu atuyue kifukuzia yake ni nini. Il y a ceux qui sont venus réellement pour se préparer en vue de l'enlèvement. Mungu bali barikuwa kweli kweli juu ya kujitayarisha juu ya kunyanyuliwa. Il y a les autres qui sont là pour suivre seulement l'église. Huku wengine wako wako tu juu ya kufuata tu mkanisa. Parce que l'église a un grand bâtiment. Juu kanisa iko na majengo munene. Parce que l'église a une bonne réputation d'aider les gens. Et la plupart seront surpris. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, nous veillons sur tout ce qui se passe. Maintenant, si vous jouez, c'est ton problème. Et quand vous regardez aujourd'hui, l'apostasie pèse sur tout le monde. Mukiangalia leo kwacho kwa imani kunalemea kila mtu. Regardez même comment notre chorale chante, elle est malade. Umeone hata namna gani kwaya yetu kunaimba inakuwa mgonjwa. Comme des bébés qui viennent à peine de commencer à chanter. Iko sawa ni kanisa tu ile inaanza kuimba leo. Regardez comment l'église chante, comment les gens viennent à l'église. Umeone namna kanisa iko naimba, namna kanisa wetu wewe unakuwa kanisa. Et la plupart se lancent sur les histoires financières. Ils visent souvent l'argent, la stabilité sociale. Mais beaucoup de gens ne s'intéressent pas à leur âme. Nous avons beaucoup insisté sur les royaumes d'Israël et de Juda, comment ils sont tombés. Pour réveiller l'Église dans ce sujet. Mais effectivement, c'est ça la voie que l'Église est en train de suivre. Nous avons fait notre travail comme des sentinelles. Que celui qui est de Dieu, qu'il écoute ce que Dieu a dit. Que celui qui est prédestiné à aller en enfer, qui néglige aussi la parole de Dieu et les avertissements. Mais nous avons fait notre travail parce que nous avons lavé vos sangs entre nous. Alakini si tulifanya kazi yetu juu tulinawa damu yenu mikono yetu à le faire na tutaendelea kuifanya jusqu'à ce que Dieu prenne de cette terre. kufika na pale Bwana Mungu atatutosha pa dunia. Celui qui est de Dieu écoutera. Mwenye kwa wa Mungu ya atasikia. Et il se mettra à l'œuvre. Na atatenda. Et celui qui n'est pas de Dieu. Washipo kwa wa Mungu naye. Il s'en fout des avertissements de la parole. Naye atasula makalamusho ya neno la Mungu. Et il en récoltera pour son compte. Naye atavuna juu yake mwenyewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Seigneur notre Père. Bwana Mungu Baba yetu. Avec reconnaissance nous bénissons ton nom. Na shukrani tunabariki jina lako. De tout notre cœur nous croyons que nous sommes l'épouse. Na moyo wetu wote tunaamini kwamba tuko bibi harusi. À qui tu as envoyé cette grande lumière le message du temps de la fin. Benye ulitumia hii nuru munene mwi wakati ya mwisho. Tu as ouvert notre intelligence pour voir et comprendre ce qui se passe. Ulifungua akili yetu juu ya kuona na kuelewa yenye kufanyika. Et par la parole prophétique nous sommes éclairés sur toutes choses. Kupitia neno ya unabii tunaangaziwa pa kitu kyote. Maintenant Seigneur, sasa Bwana, nous te prions d'aider les élus. Tunakusi usaidie bateule. À saisir la pensée profonde du message qui est apporté. Bashike upana wazo ya upana ya mahubiri na ubiriwa. Qu'ils comprennent l'importance de ce qui est dit. Baelewe mafaya yenye kusemewa. Pour prendre conscience et se préparer en conséquence. Ya kutambua na kujitayarisha juu ya ile. Tu connais les siens, Seigneur. Unajua bako Bwana. Toi tu as dit. We ulisema. Le Seigneur connaît les siens. Bwana anajua bake. Et nous te prions de t'occuper d'eux. Tunakusi upate kubangaikia. Et pour la gloire de ton nom. Na nijua utukufu wa jina lako. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno ili tutasoma. C'est toi qui connais la portion que tu nous as réservée aujourd'hui. Wewe unajua sehemu ile unatuchungia leo. Tu nous as dit que nous sommes de la famille de la race royale. Ulituambia kwamba tuko ba kizazi ya ufalme. Et que nous sommes d'une famille noble. Na tuko ba jamaa ya bengi kwa na mapato. Aide-nous à être attentifs à tout ce que toi tu nous dis. Utusaidie tupate kuteka sikio kwa yote unatuambia. Pour notre préparation. Jia matayarisho yetu. Béni ton église. Ubariki kanisa yako. Béni la parole. Bariki neno. Béni moi Seigneur. Unibariki Bwana. Et assiste-moi en toute chose. Na unisaidie mkila kitu. J'ai besoin de ton onction. Nahitaji upako wako. J'ai besoin bien-aimé de ta présence. Nahitaji uwepo wako na nguvu yote. Accorde-moi la révélation. Unipatie ufunuo. Et que je parle selon la révélation. Na niseme kufatana na ufunuo. Merci Seigneur. Asante Bwana. Du début à la fin sois honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Ouvre les yeux de ton peuple. Ufungule macho ya taifa yako. Qu'il voie l'accomplissement de tes promesses. Baone kutimilika kwa malako yako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel 1. Danieli sura yake ya verset 3-4. Mustari ya tatu. Le roi donna l'ordre à Ashipenaz. Mfalme akaleta agizo kwa Ashipenaz. Chef de ses eunuques. Mkubwa wa watuashi yake. D'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale. Ya kuleta ko bamoja katikati ya batoto ya Israel kwa kizazi ya kifalme. Ou de la famille noble. Wala ba kizazi ya benyi kwa na namna. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Babiana banaume bila kuwa na ulema ya mwili. Beau de figure. Barembo kuso. Doué de sagesse. Benye kwa na hekima. D'intelligence et d'instruction. Benye kwa na akili na majifunzo. Capable de servir dans le palais du roi. Benye kwa na uweza kuwezi kutumika mnyumba mfalme. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Bale benye batafundisha mabarua na lugha ya wakaldea. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Dimanche, nous avons seulement parler sur ces trois, ces deux versets. Siku ya juma tulisemea tu yule ya mashairi tatu. Pour montrer que lorsque Daniel a été pris en captivité avec le royaume de Juda. Tu as konisha kwamba wakati Danieli barumbeba mufungwa pamoja na ufalme wa Yuda. Il était un jeune homme. Alikuangaliki kijana mwanaume. Mais lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté à Babylone, lakini wakati barifika ile ngambo ya Babeli, ils étaient sélectionnés pour travailler dans le palais du roi. Baribachagua juu wapate kutumika mu nyumba ya mfalme. Et nous avons montré comment Dieu tulionyesha ya doté de la sagesse. Tulionyesha namna kani Mungu aliwapatia hekima. Et comment Et il pouvait expliquer des visions et des songes. Et dimanche, nous avons parlé beaucoup, presque d'un angle évangélique, pour montrer que ces jeunes gens, comme le roi Nebuchadnezzar l'avait exigé, devaient être des jeunes gens sans défaut corporel, des garçons qui sont doués d'intelligence et de sagesse, capables de servir dans le palais du roi, à qui on pouvait enseigner les lettres et enseigner et la langue des Chaldéens. Et c'est si nous avons dit, si le roi Nebuchadnezzar est un païen, lui, un pécheur, exige que dans sa présence, dans son palais, qu'il y ait des gens sans faute. Et quand sera-t-il de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand roi? Donc nous avons seulement voulu vous dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'admettra jamais en sa présence un pécheur, un homme souillé, un homme ou une femme qui est incapable de recevoir l'instruction de la parole de Dieu, incapable de comprendre sa parole, incapable d'évoluer dans sa parole. Parce que même dans la parole, il y a des bourriques. Il y a des gens, on peut enseigner la parole de Dieu n'importe comment. Ils ne parviendront jamais à comprendre ce que Dieu est en train de leur enseigner. Il y en a beaucoup dans la parole. Ils sont incapables de comprendre les Écritures. Et ils sont incapables de saisir le langage de Dieu. Nous avons un langage biblique que tout le monde doit comprendre correctement, que tout le monde doit avoir dans tout ce que nous faisons. Mais vous trouverez dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent jamais le langage biblique, qui ne comprennent jamais le langage des Écritures. Peu importe comment Dieu parle, et il ne peut pas saisir le pourquoi de ces choses qui sont enseignées. Et de tels gens ne peuvent non pas de place au ciel. Parce que si un homme ne sait pas retenir la parole de Dieu, comment va-t-il méditer sur cette parole? C'est que nous avons beaucoup de bourriques dans l'église. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont incapables de produire les fruits de la parole. Si quelqu'un est capable de vivre la parole de Dieu sur cette terre, comment va-t-il vivre de l'autre côté? On peut exhorter quelqu'un, on peut enseigner quelqu'un, on peut réprimander quelqu'un, on peut dire n'importe quoi d'une manière très simple. Mais il y a des gens qui ne sont pas connectés à ce que Dieu fait. Il y a des gens qui ne sont pas connectés avec ce que Dieu fait. Si tu n'es pas connecté à ce que Dieu fait, si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, tu n'es pas de la famille royale. Tu n'es pas d'une famille noble. La parole prophétique ou la parole évangélique, c'est notre nourriture. Neno ya unabii wala neno ya kijili. Ni chakula yetu, ni sisi ndio wenye kutumiwa. Car la Bible dit mon peuple ne sera plus dans la confusion. C'est en nous que cette écriture s'accomplit. Kama Biblia inasema taifa yangu haitakuwa kamwe katika mvuruko. Ni kweli. Et nous ne devons pas avoir de la confusion pour être cette écriture là manifestée. Na tuwezi kuwa mvuruko juu tusikue ile andiko yenye ikonekana. Non, ça mal traduit. Nous ne devons pas avoir de la confusion. C'est à ce moment-là que nous sommes cette écriture-là manifestée. Parce que la Bible dit, mon peuple ne sera plus dans la, jamais dans la confusion. Mais si toi on explique les choses, tu es toujours dans la confusion. On vous enseigne, tu es toujours dans la confusion. Alors votre élection est à douter. Que Dieu vous bénisse. Après un temps, nous évoluons. Après un temps, alors que Daniel et les quatre compagnons avaient déjà satisfait aux exigences de Dieu, aux exigences de Nebuchadnezzar, il était déjà dans le palais et dans le royaume en train de servir. Et quelques temps après, Nebuchadnezzar eut un songe. Nebuchadnezzar arilota ndoto. Et son esprit fut fortement agité. Na roho yake ilikuwa katika mangaiko sana. Il avait vu ce songe. Arionaka ile ndoto. Lorsqu'il se réveilla, il comprit qu'il avait vu un grand songe terrifiant. Wakati alilamuka, alikumbuka kwamba aliona ile ndoto ya kuleta boka. Mais il avait oublié. Alakini alisahau ile ndoto ya boka. Mais il y a eu une forte agitation qui s'était levée dans son cœur. Ulikuwa mangaiko munene ile ilamuka mro yake yaanza kuhangaika. Il n'avait pas de paix. Ashukue tena na salama. Il comprenait que Dieu, à travers ses songes, lui avait révélé quelque chose. Et il voulait comprendre ce que signifiaient ces sons-là, ces songes-là. Ayant oublié les songes, ayant oublié les songes, il était devenu troublé. La paix lui avait été ôtée. Ashukwe tena na salama wanamtosha salama. Ne sachant que faire, ashukuye tena chaye kufanya. Le roi Nebuchadnezzar, mufalme Nebuchadnezzar, fit appel à tous les magiciens de son royaume. Aritisha ba majende bote ba ufalme yake. Aux astrologues. Bale ba astrologues. Aux enchanteurs Bafumu, Bakulakusha, et à tous les sages qui se trouvaient dans Babylone. Et lorsque tous ces sages vinrent devant sa face, le roi leur dit, j'ai eu un songe. Et quand je vous parle ici, mon esprit est troublé et agité. Et moi, je dois connaître ces songes-là. Mais ces songes-là, je l'ai oublié. Les sages disent au roi que le roi raconte à ses esclaves le songe et ses serviteurs lui donneront l'explication sur ce qu'il a vu. Na pale njo watumishi yake watamfasilia ile ndoto yule ya ile alilota. Le roi Nebuchadnezzar dit à tous les singes, mufalme Nebuchadnezzar kambia benye kima bote, que je ne saurais pas vous raconter les songes, weza tena kumiadisia ile ndoto, parce que la chose m'a échappé. Juu ile ndoto inanipotea. C'est pourquoi je vous ai fait appeler. Je vous ai fait venir. Pour que vous, avec votre sagesse, avec votre magie, avec vos enchantements, vous me disiez ce que moi j'ai vu en songe, et ensuite vous-même dans votre sagesse vous me donnerez l'explication. C'était quelque chose de difficile. Et le roi ajouta et dit, na mufanume akaongeza na kusema, si vous ne dites pas les songes et l'explication, amunikumbushe ndoto na kunifasilia hayo, vous-même vous serez mis en pièces, mwebo tembele watamweke mkifungo, et toutes vos maisons seront réduites en cendres. Na manyumba yenu yote bataiteketeza. Les sages répondirent, les magiciens, les enchanteurs, ils disent, non, nous ne pouvons pas faire cela, dites-nous seulement les songes et nous allons vous donner l'explication. Le roi leur dit, je voudrais que vous me dites les songes, et que vous me donnez l'explication. Si vous le faites, je vais vous honorer. Pale, je vais vous donner des dons. Je vais vous donner des présents. Je vais vous faire des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi seulement les songes. Et donne-moi l'explication. C'était une équation difficile. C'était très compliqué. Et le roi ajouta pour leur dire, quand vous me répondez de cette manière, disant que je vous dise les songes que moi j'ai oubliés, je vois que vous voulez gagner seulement du temps pour que les choses changent un peu, parce que vous avez vu que la chose m'a échappé. Et vous voulez vous préparer pour me dire des mensonges. Mais si vous me dites les songes et vous me donnez son explication, et si vous me dites les songes, je saurai que vous serez à mesure de me donner son explication. Mais les magiciens, tous les enchanteurs et tous les sages, ils étaient sincères, ils ont dit au roi, Ô roi, ce que toi tu nous demandes est une chose impossible. Tous les rois qui vous ont précédé, plus grands qu'ils étaient, n'ont jamais demandé aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs, aux sages, chaldéens, une telle chose. Ce que les rois demandent est difficile. Et il n'y a personne qui peut le dire au roi, excepté de Dieu, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Je m'arrête un peu ici. Regardez comment ces gens ont dit au roi. Prenons Daniel chapitre 2. Au verset 1, je lis. Kwanza, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Mwaka wa pili ya utawala wa mfalme Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar akalota ndoto. Akaona mandoto. Akaona mandoto. De préférence, il faut lire, c'est ça votre erreur. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Na alikuwa na roho yenye kuhangaika akashinda kulala bushingishi. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Mufalme akaita ba majende, ba astrologue, ba fumu na wakula kusha juu wapate kumkumbusha mandoto yake. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Bakakuya na kushimama mbele ya mfalme. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité. Mufalme kabambia midilota ndoto na roho yangu inahangaika. Et je voudrais connaître ce son. Ninapenda munikumbushe le. Les Chaldéens répondirent au roi en langue arménienne. Wale wa Kaldea wakamjibu mfalme mukiruka. O roi, vis éternellement. O mfalme uishi milele. Dis les songes à tes serviteurs. Weye useme ndoto yako kwa watumishi yako. Et nous vous en donnerons l'explication. Na jiye tutakupatia mafasilio yayo. Et le roi reprit la parole et leur dit et dit aux Chaldéens. Mfalme akachukua sauti na kuambia la chose m'a échappé. Ile ndoto inanipotea. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, kama mwa munikumbushe ile ndoto na kuleta mafasi, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Kama mwa munikumbushe ndoto yangu na mafasilio yayo, si vous me dites le songe, si vous me dites le songe et son explication, alakini kama munanikumbushe ile ndoto na mafasilio, vous recevrez de moi des dons et des présents kwangu mazawadi et des grands honneurs na maheshima mnene. C'est pourquoi chukwamana, dites-moi les songes et son explication. Mwenye munikumbushe paka ile ndoto na mafasilio. Dans le verset 10-11, mustari ya 10 na 11, les Chaldéens répondirent au roi. Wakaldea wakamjibu mfalme, il n'est personne sur la terre hakuna mtu pa dunia qui puisse dire ce que demande le roi. Hakuna mtu pa dunia ule anaweza kusema kitu mfalme analomba. Aussi jamais roi, kamwe mfalme, quelque grand et puissant qu'il ait été, hata kama ni mkubwa hata ni wa uwezo je, n'a exigé une pareille chose. Ashia lomba kakamwe bamwambie kikitu ya hivi. Doke magicien, hata kwa magicien de moya, astrologue, wala kwa mfumu wala mkaldea. Ce que le roi demande, kile mfalme anaomba, est difficile, ni kia nguvu sana. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, hakuna mtu atamu atamwambia ki mfalme, excepté les dieux, kutosha mpaka miungu, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Kutosha mpaka ile miungu ile haina na makao katika ya watu. Là-dessus, le roi s'est mis en colère. Pale mfalme akashirika. Et s'irrita violemment. Akashirika sana. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Akaruhusu wapate kuua baenye kima bote wa Babeli. La sentence fut publiée. Ile hukumu wakaitangaza. Les sages allaient être mis à mort. Baenye kima walipashi baba uwe. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire mourir. Na wakatafuta Danieli na jirani yake na abo wapati kubaua. Baranza kubatafuta. Baranza kutafuta Danieli na shirika yake babaue. Vous devez comprendre en ce qui concerne les visions et les songes et leurs interprétations. Que les songes, les visions et l'interprétation des songes et les visions est un domaine des prophètes. C'est lui qui est habilité à interpréter les songes et à interpréter les visions, c'est seulement un prophète. Avant qu'un prophète puisse interpréter un songe ou une vision, il doit premièrement lui-même voir le songe ou la vision. Et ensuite, recevoir de Dieu l'interprétation de ce songe-là ou de cette vision. C'est lui qui s'est dit interprète des songes ou des visions, n'attend pas que celui qui a vu un songe ou une vision vienne lui raconter ce que lui a vu dans sa vision ou dans son songe. Non. Quand quelqu'un vient lui dire qu'il a eu une vision ou un songe, le prophète doit premièrement lui-même voir la vision ou le songe avant même que celui qui l'a vu puisse lui expliquer. Maintenant, s'il n'y a pas de prophète pour voir le songe d'avance ou la vision et ensuite l'interpréter, quand Dieu veut dire quelque chose à l'église ou à une personne, Dieu doit proclamer la vision ou la songe ou le songe en termes clairs, sans parabole, sans énigme. C'est ainsi que nous voyons même dans notre église, même dans le message. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ne comprennent pas. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Et tous les songes n'ont pas une interprétation divine. Il y a des songes que les gens ont qui viennent de leurs préoccupations. Ce sont des songes sans sens. Des songes ambigus. Vous voyez bien mes frères, il y a des songes qui viennent de Satan. Par exemple, un songe dans lequel vous voyez un frère qui vient et manger votre fils ou qui vient te manger. Comme les mondains le disent, bien que manger les gens, ça n'existe pas. Ou des songes dans lesquels quelqu'un rêve, il voit que c'est sa mère ou c'est son père qui a donné la maladie à son fils ou à sa fille. Ça, ce sont des songes sataniques. Dans tous les songes ou de fausses visions sataniques dans lesquelles on accuse les gens, dans lesquelles on sème de la haine et de l'inimitié entre les gens, de tels songes ne viennent pas de Dieu, ce sont des songes qui viennent de Satan. Si vous rêvez, vous voyez le pasteur venir vous manger, Ce sont des sons de Satan. Il est si vous rêvez, vous voyez que ta femme est une sorcière. Ce sont des sons de Satan. Il est si vous rêvez, vous voyez ton père ou ta mère, ton oncle. Qui vient te manger. Ce sont des songes de Satan. Ça, ça n'existe pas. Dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part un seul verset, une seule écriture, où un songeur ou un prophète a rêvé que sa maman, sa belle-mère, ou un frère de la famille, wala memba, ou un voisin, wala jirani, le manger ou la manger. Wala ça n'existe pas dans la parole. Keko, la mungu. Ouais, bien mes frères. Tous les songes qui amène la division, l'inimitié et la haine dans les couples, dans les amitiés, dans les familles, sont des visions et des songes sataniques. Vous voyez bien mes frères. Et pour ce qui est des songes de préoccupation, tu peux rêver que tu as l'argent. Tu te réveilles, tu n'as pas l'argent. C'est parce que tu étais seulement préoccupé. Tu cherchais l'argent pour faire les champs, pour faire tes affaires, peut-être pour payer quelques minervales de tes enfants. Cela est lié seulement à une préoccupation. Vous voyez, tu rêves, tu as beaucoup de maïs dans ta maison. Vous vous réveillez, vous n'avez même pas un seul son. Cela est lié seulement à vos préoccupations humaines. D'autres songes que les gens vont, c'est lié seulement à ce que vous avez vécu. Vous avez été dans une fête quelque part, vous avez vu beaucoup de choses, et par après vous dormez, vous commencez à voir cela. Vous étiez en voyage dans un bus, il y a des choses que tu as vues, mais après un certain temps tu commences à revoir cela dans les songes. Tu étais au champ, peut-être quand tu te cultivais là, tu avais peur des serpents. Vous dormez là, vous rêvez, vous avez des serpents qui vous environnent. Ce sont des songes qui viennent de vos préoccupations. Mais quand Dieu vous donne un songe ou une vision, il y a un message divin que Dieu veut vous transmettre ou transmettre à l'église ou transmettre à une personne. Vous voyez, si c'est un songe qui vient de Dieu et qu'il n'y a pas de prophète comme je le disais, les songes doivent être clairs, sans énigme, sans parabole. Vous voyez, on ne doit pas, tu rêves, non, vous voyez pasteur, j'ai rêvé, j'étais comme à Kambo, comme si j'étais à Likasi, alors j'ai rêvé, un gros poisson qui descendait du ciel, quand je me suis tourné comme ça, alors j'ai vu aussi un grand arbre, et le poisson grimpait à l'arbre. Et j'ai regardé du côté du soleil levant, j'ai vu une grande lumière. Et là en bas, j'ai vu des gens. Ça, c'est de la confusion. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Oh, j'ai vu une masse de gens habillés en blanc. Et à un certain moment, c'est disparu. J'ai vu des lions venir. J'ai crié. Papa. Baba. Ça c'est quel son ça? Mandoto kania ivi. Et dans les songes là, j'ai vu comme si on était avec l'ancien, et j'ai vu aussi une sœur, mais son visage là, je ne l'ai pas bien vu, il était à moitié homme et à moitié animal. Ce sont des histoires sataniques qui n'ont rien à faire avec la vérité. Dieu ne donne pas de dons pour des blagues. Mungu ashiletake mazawadi. Quand Dieu te donne un songe, le songe doit être clair et net. Il n'y a pas d'énigme ou de parabole. De prophètes au milieu de nous. Il y a fasilia. Des frères qui viennent. Oh, pasteur, j'ai vu. Pasteur, j'ai miriona, vu. Miriona, miriona. Et quand les jeunes gens voient des songes, déjà c'est contraire à la parole. Les jeunes gens, selon la Bible, doivent voir des visions. Les gens qui doivent voir les songes sont des vieillards. Les vieillards doivent voir les songes. Les jeunes gens doivent avoir les visions. Quand un jeune homme voit des songes, c'est déjà contraire à la parole. C'est par manque de la connaissance que les gens croient n'importe quoi. Et vous trouvez des profanes, des séducteurs, ils se spécialisent en songes. Chaque jour, ils rêvent. C'est comme la petite fille de Sam Kitoko. Je la dérangeais beaucoup. Elle a un songe tous les jours. Quand je me réveille, je dis, allez, mon ami vient, qu'est-ce que tu as vu? Elle commence à raconter. Et ça me dit, ah, ma fille, ça je ne crois pas. Elle dit, non, papa, j'ai vu. J'ai dit, non, laissez, c'est une prophétesse. Non, frère. Non, ma soeur. Quand un songe vient, c'est un songe qui annonce un message. Quand une vision vient, la vision doit annoncer un message. Il doit y avoir un message divin. Et quand Dieu donne un songe ou une vision, aucun devin ne peut l'interpréter. Ce qui vient de l'inspiration divine ne peut jamais être interprété par Satan. Non. Dans cette Bible, il n'y a jamais eu un songe ou une vision venue de la part de Dieu qu'un seul magicien, un chanteur ou un devin a pu interpréter. Non. Les devins et les enchanteurs et les magiciens et les astrologues interprètent des faux songes. Ce sont les songes qui viennent des pensées humaines. Vous voyez bien mes frères. Lorsque Dieu donna les songes à Joseph en Égypte, il n'y a eu aucun magicien, aucun astrologue, vous voyez, aucun devin dans tout le pays d'Égypte qui pouvait interpréter les songes qui venaient de la part de Dieu. Non bien aimé frère. Il fallait Joseph, parce que Joseph était un prophète de Dieu. Et avant qu'un prophète n'interprète les songes, il doit premièrement lui-même voir ces songes-là. Vous voyez, si aujourd'hui toi ici à Kambo, tu te dis que tu as reçu les dons d'interprétation, il ne faut pas attendre que les gens viennent te raconter les songes. Dis-moi d'abord les songes, qu'est-ce que tu as vu? Non, j'ai vu des choses noires, j'ai vu des choses rouges, j'ai vu des choses blanches. Et maintenant tu commences à dire, le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est la chance. J'ai vu le rouge, c'est le sang. Tu as vu le noir, c'est la malédiction. Il est ça, ce sont les interprétations traditionnelles. C'est comme ça que nos grands-parents interprétaient les songes. Il ne faut pas mener ces histoires-là dans l'église. Ce sont ces choses qui ont embrouillé le pentecôtisme. Oh, nous avons des songes, nous avons des songes. Nous avons des visions, des fausses visions. Une vision qui n'a aucun message divin. Une, songe qui n'a aucun message divin. Une vision qui n'annonce rien de la part de Dieu. Non, bien-aimé frère. Ce temps-là de croire à n'importe quoi est déjà derrière nous. Nous devons grandir et abandonner l'enfance. Il y a beaucoup de frères et de sœurs que je trouve possédés par des démons. Ils veulent toujours qu'on voit des songes sur eux. Et, oh, ils veulent aussi, quand ils rêvent quelque chose, on leur dit toujours ce que cela a donné. Ils ne savent pas différencier les songes qui viennent de Satan et les songes qui viennent de beaucoup de ses préoccupations et les songes qui viennent de Dieu. Abandonnez ces histoires-là. C'est ce qui place des gens dans la confusion. Ce sont ces fausses visions et ces faux songes qui divisent les assemblées, qui amènent de la froideur dans l'église, qui divisent les frères et les sœurs, qui sèment de la haine, qui sèment de l'inimitié, qui sèment des critiques. Vous voyez, quand dans l'église, on a seulement une vieille sœur, une sœur qui est déjà avancée en âge, elle a des yeux rouges à cause de l'âge qui pèse sur elle. Les jeunes gens maintenant et les jeunes filles commencent à rêver que non, cette sœur-là elle est sorcière. Ni bintu ya bumbafu, ce sont des choses, des églises de Satan. Tu n'as pas croit de telles bêtises. Non, dans notre église, les choses n'avancent pas. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers, Ce sont ceux qui sont sorciers. Regardez comment dans les dénominations les choses se font. Avec des faux pasteurs. Avec des faux anciens. Des faux diacres. Quand une vision ou un son est dans son profit, il accepte. Vous voyez, mais quand une vision ou un son est en sa faveur, il le rejette. On trouve même dans les églises quelqu'un se lève et lui dit moi j'ai rêvé, Dieu m'a dit que c'est David qui deviendra pasteur. Et David devient pasteur dans l'église sur base d'un son. On établit David pasteur parce qu'on l'a vu dans un son. Vous voyez, et là c'est bon. Oh, ni bizuri. Maintenant, quand le même Satan vient dire, ainsi dit l'Éternel, le temps de Dadi est terminé. Wakati ya Dadi na malizika. Maintenant, sasa, c'est Ilunga Mwalimu wakati ya Ilunga Mwalimu qui est devenu pasteur. On t'établit sur base d'une prophétie. Voyez des choses comme ça. Banakoa sur base yandot. On t'épouse sur base d'un songe ou d'une prophétie, d'une vision. Voilà, prophétie n'est serre mungine mukalamushi naye. Ana jungurusha bikwembe we. Notre sœur. Non, il est beaucoup rien ya, il est beaucoup rien ni adaza fulani. Ah, la sœur. Apana. C'est Maria. N'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ya unabi. Le mariage sur base d'un songe, accepte que cela soit aussi, sur base d'un songe. Tu es sérieuse. Le même Dieu qui t'avait donné ce mari là, le même Dieu qui décide aussi de t'enlever ce mari. Ah, tu vois, tu n'as pas encore gagné le bon. Des églises dénominationnelles puisqu'ils sont dans la confusion. Nous voulons que les songes, tunapenda mandoto, et les visions, na maono, soient conformes à l'écriture. Ikuwe yenye kuambatana na maandiko. Si une vision ou un songe, na mandoto wala ono, est en opposition avec la Bible, inapinganisha Biblia, c'est un faux songe, d'où qu'il vienne. Hata kama inatokea wapi, kwa nani aizuru nani. Vous voyez, mnaona. Et tous ces gens qu'on appelle interprètes. Avant tout, et même les pasteurs qui interprètent. On en avait ici à Kambov. Parce que moi, je ne suis pas les radios de Kambov. Qui interprétaient tous les sons. Parce qu'on a facilité mandoto yote. Dirilota, mina kura bukari nanko. J'ai mangé fufuo. Dirilota, on a mangé habitoyo. On m'a donné le poisson salé. On a fait le poisson salé en interprété. Dirilota, Dikona panda, kumuchi, en interprété. J'ai grimpé sur un arbre, il interprète. On m'a donné les haricots, il interprète. Là, c'est la sottise. Là, il est groupe de prière. Mourkouabanamouke. Et dans ce groupe de prière, c'était plein de femmes. Nabiana full. Et des jeunes gens. Parce que Nikanisa Yamun. Qui disent que c'est l'église de Dieu. Nikanisa Yachetan. Ça, c'est une église de Satan. Mungu asema que qui la mara. Dieu ne parle pas tout le temps. Aujourd'hui, il parle. Demain, quand il parle, toujours pas les sons. Toujours pas les sons. Mungu Arniambia. Mungu Arniambia. Mungu Arniambia. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Où les Mungu ni wabo. C'est un faux, il n'est pas vrai. Dieu ne dit pas de bêtises. Hein? Quand Dieu ouvre sa bouche, il a un message important à transmettre. Et quand il transmet son message, la chose s'accomplit, où son peuple est éclairé, il est averti, il est contre un danger, le problème se termine là. Passe toujours, Dieu m'a dit. Ce sont des histoires sataniques que les églises de réveil et les groupes de prière et les pentecôtistes ont embrassé. Et toutes ces choses-là, ce n'est même pas la parole de Dieu, c'est seulement la divination. C'est tout. Nous n'avons pas de prophètes. Nous n'avons pas de prophètes. Nous avons que des devins. C'est la manière satanique de travailler. Les devins sont les prophètes de Satan. Les enchanteurs sont des prophètes de Satan. Dieu ne travaille pas avec eux. Dieu a des prophètes à qui il donne de véritables visions qui dévoilent sa pensée ou qui dévoilent son plan pour son peuple. Oui, bien-aimés frères, c'est pourquoi ne croyez pas à n'importe quel songe. Et n'ayez pas en vous l'envie de raconter vos songes que vous voyez qui n'ont aucun sens. Si ton songe est clair, nous prendrons soin de le noter quelque part et attendre que ce songe-là se manifeste. Quelqu'un il vient, il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré que José c'est mon serviteur. José ni mtumishi wangu. Mais il est encore charnel. Alakini angariki wa kimwili. C'est quel songe ça? Ni ndoto kani ile ya hivi. C'est des faux songes. Ni ndoto ya bongo. Oui, bien mes frères. Unaona ndoko mpeni. C'est comme les gens qui disaient, je vais vivre avant toi quoi na sema. Branham est un véritable prophète. Branham ni mtumishi wa kweli wa Mungu, nabii wa kweli. Il a des visions. Pardon? Seulement quand il a des visions, quand il fait des visions. Ni paka wakati ile kuna maono. Il est vrai prophète. Et qu'on a vu mais quand il s'agit de l'enseignement, ça, ça, comme on a il est faux prophète. Ça, ça, c'est de la confusion. Il est comme... Est-ce que dans une seule source, il peut y avoir de l'eau amère et de l'eau douce? Na mai musuri. Si un serviteur est véritable serviteur, kama mutumishi wa kweli, il est véritable serviteur eko wa kweli, il a été mandaté par Dieu. Juu, Mungu njari mutuma. Il ne peut pas être véritable serviteur, mutumishi wa Mungu wa kweli, tena wa bongo. C'est fou. Ni bia bongo. Donc, il ne faut pas croire à n'importe quoi. Aipashi muchiki aizuru vitu gani. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous respectons le temps, nous allons continuer. Tumeshimu wakati tutendelea kesho. Kwa bien mes frères. Naona ntuku mpeni. Vous voyez comment? Munaona namna gani? L'homme de Dieu, donc les magiciens. Bama jende. Eux-mêmes étaient honnêtes. Ils ne sont pas comme les pentecôtistes. Les magiciens et les devins chaldéens, c'est que le roi demande, il n'y a que des dieux qui n'ont pas de demeure parmi les gens qui peuvent résoudre ce que le roi a demandé. Ils étaient honnêtes. Un songe ou une vision qui vient de la part de Dieu, nos télés, il n'y a que les prophètes qui ont l'esprit de Dieu en eux qui peuvent interpréter ce que Dieu a dit. Quand Dieu donne une vision ou un songe, nos télés encore, aucun devin, aucun magicien, aucun astrologue, mais aucun chanteur ne peut interpréter ce qui vient d'une source divine. Non. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Que Dieu nous aide pour ne pas tomber dans la séduction et dans le mensonge. Prions-nous tous ensemble.